Attention, Maurice, t'es prêt? Chouette, j'ai internet. Ah oui, chouette, j'ai internet. 3. Comédie française. 2. Bon. Alors, chouette, j'ai internet. Il fallait attendre, il faut pas attendre le générique, que le générique dure deux plombs, Maurice. Non. Alors. Voilà. Chouette de Maurice, 50e. Je vous fais Maurice qui attend de parler. On n'applaudit pas, Non, après. Alors, sur la photo. Oh, vos gueules, les mouettes. Attention, 3, 2. Chouette, j'ai internet. Ah, bah c'est bien, tu vas pouvoir écouter. Oh merde, il a internet. 3. Ah bah merde alors. 2. Chouette, j'ai internet. Eh ben, tu vas pouvoir écouter le Père Noël à Les Boules le 24 décembre à 20h. Ah bon? Pourquoi? Pourquoi il a les boules? Ah bon? Bon, on va peut-être le faire à blanc. Oh, chouette. On va faire autre chose. Peut-être à blanc, non? Parce que sinon... Allez, c'est bon. Ah bon? Oui, oui. Peut-être rentrer maintenant. C'est bon, j'ai le texte. Bon, le texte, c'est chouette, j'ai internet. Ah bon? Alors, voilà. Mais pourquoi il a les boules? Oh, eh ben, parce que Maurice. Eh ben, parce que Maurice va raconter des histoires. Et là, Maurice, tu peux faire. Non, non, non, non, non. Non, non, on va le faire. Allez. 3, 2. Chouette, j'ai internet. Ben, tu vas pouvoir écouter en bas ce matin. Mais non. 3. Tu vas pouvoir écouter en bas ce matin. C'est pas gagné. FM, t'as quasiment aussi. Chouette, j'ai internet. Ben c'est parfait, tu vas pouvoir écouter le Père Noël à Les Boules le 24 décembre à partir de 20h. Pourquoi? Pourquoi il a les boules? Non, c'est le texte. T'as pas de neurone. Bon. Il en a qu'un, il est handicapé, son neurone. Chers auditeurs, nous ne sommes donc pas en mesure d'enregistrer la bande-annonce. Donc, si vous voulez la suite, c'est le 24 décembre à 20h. Voilà.